c'est que je ne supporte pas les seconds mouvements des musiques classiques. De musique classique, Beethoven aussi. Parce qu'en fait, je trouve ça un petit peu fait, refait. Et cette tendance à mettre le thème sur tonique, dominante tonique, ça me saoule, en fait. L'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails. La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel. Pour jouer du piano, il faut mettre de l'émotion. Plus littéralement, il faut aussi y mettre les mains. Mais entre les émotions et le bout des doigts, on peut aussi investir le corps entier. Incarner la musique suppose une intelligence émotionnelle qui ne va pas sans une conscience corporelle aiguisée. Tourné vers l'incarnation du jeu au piano, ce numéro de métaclassique va donc rentrer dans les détails physiologiques de l'énonciation musicale. Avec une invitée, Esther Pineda, qui enseigne le piano au conservatoire Jean-Philippe Rameau à Paris, et qui vient de faire paraître aux éditions de la Tour un livre intitulé « Le corps musicien vers une méthode sensorielle de l'interprétation pianistique ». Esther Pineda présente ses conceptions à partir de ses expériences auprès d'autres pianistes qu'elle a pu observer de près, en particulier Maria Joao Pires, que nous entendons. Thank you. Maria Joao-Pires au piano dans le scherzo de la 21e sonate en si bémol majeur de Franz Schubert. Bonjour Esther Pineda. Bonjour. Qu'est-ce que vous entendez quand vous entendez Maria Joao-Pires jouer Schubert? Qu'est-ce que vous écoutez? Je dirais que ça va au-delà de l'écoute. Il se passe tellement de choses dans la tête quand j'écoute cette version, bon, et d'autres aussi. Mais j'entends une grande finesse de jeu, une énorme subtilité, une maîtrise du toucher par rapport au son, mais tout un monde d'une extrême délicatesse et beaucoup de poésie. Je trouve qu'elle a cette capacité d'être poète notamment avec ce répertoire. Vous avez, Esther Pineda, fait le déplacement à l'hiver 2016 à la chapelle Reine Elisabeth où Maria Joao-Pires justement se produisait, mais en tant que pédagogue. Qu'est-ce que vous alliez observer? En fait, je me suis rapprochée d'elle et de ce lieu qui a un projet qui me semble particulièrement intéressant pour aider les jeunes musiciens dans le début de leur carrière. Mais je me suis vraiment rapprochée d'elle parce qu'il y avait un écho entre son approche de la pédagogie et de sa conception du jeu pianistique avec la mienne. Et c'était un peu dans l'espoir d'avoir des échanges qui allaient un peu dans le sens de tout ce que j'étais déjà en train d'élaborer comme travail intellectuel autour de la pédagogie, c'est-à-dire revendiquer très très fort la place du corps dans la technique notamment, et l'interprétation évidemment. Au point que ces recherches vous ont amené à publier ce livre, Le corps musicien, vers une méthode sensorielle de l'interprétation pianistique, aux éditions de La Tour. Cette insistance du corps que vous avez aussi déclinée sous forme d'entretien avec vos propres élèves au conservatoire Jean-Philippe Rameau à Paris. Par exemple, vous demandez à C, 14 ans, à quoi tu dois penser pour jouer la gamme. Et il répond au doigté, aux notes altérées. Ensuite, vous lui demandez quelle partie de ton corps tu as sollicité pour la jouer. Il répond les doigts, les bras, le haut du corps. Et puis un peu plus loin, il rejoue la gamme alors que vous lui avez demandé de se concentrer sur son corps. Et cette fois, vous lui demandez alors quelles autres parties tu as sollicitées. Et il répond le buste. Et comment tu t'es senti? Plus détendu qu'avant. Oui, c'était l'idée de faire participer aussi les élèves à ce travail de réflexion que je menais et qui a abouti à la publication de ce livre, était de voir un petit peu les différents degrés de perception corporelle que les jeunes pianistes peuvent avoir par rapport à ce qu'on peut nommer des experts, c'est-à-dire des personnes qui ont déjà fait un parcours et qui sont au-delà d'un minimum de 12 années de formation musicale. Quand je parle de formation musicale, je parle de l'enseignement de la musique en général, hein, pas des... uniquement dans la formation théorique. Alors, ce qui était très intéressant, c'était de constater que plus j'allais dans le questionnement de cette perception qui irait au-delà des éléments, on va dire, fondamentaux de ce qu'ils doivent jouer ou ce qu'ils ont qu'ils doivent mettre en œuvre pour jouer, ça se limitait souvent à ce genre de réponses, les doigts, les notes. Tout, disons, on va dire, le plus loin, c'était les bras. Or, avec d'accompagner un peu ce parcours, finalement, de métacognition, d'arriver à réfléchir sur comment ils mettent en œuvre leur propre processus intellectuel, on arrivait beaucoup plus tard à d'autres parties du corps, comme quoi la perception corporelle, ce n'est pas une évidence du tout. Et notamment, ça avance selon le développement de l'enfant. Il y a une corrélation. La corrélation est très explicite, c'est-à-dire il suffit d'y faire attention pour qu'il y ait un gain en détente qui se retransmet sur le jeu. C'est-à-dire qu'on peut entendre la décontraction corporelle dans le jeu. Mm-hmm. Tout à fait, je suis pas la seule à m'être aventurée dans ce type de recherche. Et effectivement, il y a une corrélation entre la manière d'utiliser, entre guillemets, son corps et le résultat sonore, c'est-à-dire du geste avec la production de son. Et cette corrélation, on l'a vu effectivement de manière assez claire. Après, il faut dire aussi qu'il y a des aspects de maturation de l'individu qui font qu'une prise de conscience ne peut pas se faire sur certains aspects, par exemple avec un enfant de 3 ou 4 ans, que ça va dépendre aussi du développement cognitif de l'enfant. Ça veut dire qu'il faut une certaine maturité pour arriver à jouer avec tout son corps ? De manière consciente, je dirais. Parce qu'évidemment, qu'on joue déjà avec tout son corps dès le départ. Dès le départ, et on peut aller très tôt dans ce sens-là. Mais le fait est qu'il y a une progression. Quand on regarde l'âge des élèves à qui vous posez la même question, qu'est-ce que tu dois solliciter pour jouer une gamme, à 19 ans, S répond le cerveau, l'oreille, les doigts. Ce qui est un peu plus élargi que les doigts, les bras, le haut du corps de tout à l'heure. Oui. Mais là, je pensais notamment aux enfants. Et par exemple, si on comparait des enfants de 4 ans à des enfants de 8, certainement, il y aurait des aspects qui sont liés à son développement, à la maturation de son système cognitif d'une manière assez large, qui rentre en jeu. Mais comme j'ai fait cette partie des entretiens, je l'ai fait auprès d'enfants qui sont déjà au conservatoire, là, la question d'à quel âge on commence la musique dans les structures, les établissements, ça serait une autre question à débattre. C'est-à-dire que je n'avais pas à portée de main, on va dire, des enfants plus jeunes que 6-7 ans. Vous avez une élève de 8 ans, à la question, elle répond les bras, les doigts et le dos. Et quand vous lui demandez de rejouer en faisant attention à quelle partie du corps elle mobilise, elle répond les fessiers. Oui. C'est-à-dire que pour elle, il faut dire aussi que c'était des élèves qui sont dans ma classe de manière, je dirais, explicite ou même implicite. Il y a beaucoup de choses qui passent d'un professeur à son élève. Peut-être qu'elle avait déjà capté qu'il y avait quelque chose d'important au niveau du centre de gravité et de la posture et la position assise au piano. Mais elle a pu l'expliciter et sans en avoir parlé de manière claire. Elle n'a pas eu de cours en parlant du bassin pour jouer du piano. Mais voilà, c'était... Effectivement, elle est très jeune pour avoir dit ça. Ça m'avait conforté un peu dans mes hypothèses. Je vous propose d'écouter Forlan, extrait du Tombeau de Couperin de Ravel, par une grande pianiste également pédagogue, Yvonne Lefébure. Thank you. la version d'Yvonne Lefébure de Forlane du tombeau de Couperin de Maurice Ravel. Esther Pineda, cette couleur-là, elle tient d'un jeu avec le corps. Vous écrivez « Pour créer l'effet d'ondoiement à l'oreille, c'est une variation infime dans la couleur des sons. Tactilement, ce sera une variation infime dans les dosages d'empreintes, c'est-à-dire dans le poids du corps transféré sur le clavier. » Oui, ça me rappelle, cette phrase, ça me fait penser à une scène qui s'est déroulée dans ces échanges avec Maria João Pires à la chapelle, où effectivement il y avait un des jeunes pianistes qui avait vraiment du mal à imprimer dans ce morceau ce balancement lié à la forme et au rythme de la Forlane. Et ce qui a vraiment déclenché un jeu qui était fluide, naturel, il n'avait même pas de questions à se poser, c'était une question de placement du corps pour arriver à trouver le geste juste qu'il cherchait, mais qu'il cherchait peut-être ailleurs, il le cherchait un peu trop dans ses doigts. Il y a quelque chose qui peut effectivement casser le corps du pianiste, c'est le rapport à la pédale qui semble, comme dans un autre espace que le clavier, engager les pieds dont la connexion avec les mains n'est pas forcément acquise d'avance. Je crois que ça, si cette connexion est donnée dès le départ de la formation, par exemple, que les élèves, enfin les jeunes pianistes ou pas, hein, parce que d'ailleurs nous parlons de ça par rapport au piano, mais je pense que c'est tout à fait applicable à d'autres instruments. Si ce rapport de l'ancrage au sol se fait dès le départ, je pense qu'il n'y a aucun problème après de connexion entre la pédale et le jeu. Souvent, il faut aussi garder en tête que la pédale est, maintes fois, elle est synchronisée pour un pianiste avec la main gauche. Et si dans le travail, on met l'accent un peu sur cet aspect-là, je pense que ça aide énormément aux élèves ou, enfin, je dirais en général pour le pianiste, à pouvoir avoir ce ressenti global qui passe par la synchronisation en fait des pieds et des mains. Il y a un professeur de l'université de Harvard que vous citez abondamment, qui s'appelle Howard Gardner, qui écrivait il y a une vingtaine d'années « Les formes de l'intelligence, dans lesquelles on trouve l'intelligence naturaliste, l'intelligence visuelle spatiale, l'intelligence musicale rythmique, mais c'est même pas celle-ci qui vous intéresse le plus, c'est justement l'intelligence corporelle ou kinesthésique ». Oui, je trouve que les travaux de Gardner sont très très intéressants en pédagogie, en milieu scolaire, il y a déjà beaucoup de didacticiens et de pédagogues qui s'appuient un peu sur cette théorie-là. Mais effectivement, ce qui m'intéressait le plus, c'était l'approche corporelle qu'il souligne, parce que je crois que dans la manière dont il définit l'intelligence musicale, il parle de la capacité auditive notamment, de percevoir le rythmique et au niveau de la hauteur et du rythme. Mmh. Or, je crois que ça, c'est presque une évidence dans la formation, dans les conservatoires notamment aujourd'hui. Or, l'intelligence corporelle, je pense qu'elle n'est pas évidente pour une grande partie des enseignants. Il l'a défini comme la capacité à utiliser son corps d'une manière fine et élaborée, à s'exprimer à travers le mouvement. Oui, je pense que c'est cette idée-là qui est reprise de la manière la plus authentique dans l'approche de Dalcroze, notamment. Ce qui veut dire qu'au piano, on devrait moins juger la qualité de son jeu sur ce qui ressort comme son de ce que l'on produit, que de comment on se véhicule corporellement devant le clavier. C'est qu'on ne peut pas détacher l'un de l'autre. En fait, le son n'est pas produit par art de magie. C'est-à-dire, finalement, c'est le corps. Et quand je parle du corps, je parle de tout. C'est-à-dire, évidemment, aussi de notre esprit, de notre tête. C'est-à-dire, tout ce qui est véhiculé. Mais c'est grâce au corps que, d'un point de vue purement mécanique, on arrive à jouer d'un instrument, que ce soit le piano avec toutes ces parties qui s'interposent entre nos mains et les cordes, ou que ce soit un instrument où on peut accéder, si on parle des instruments à cordes, directement.

Vous écoutez Métaclassique, une émission de David Christoffel. Avec l'orchestre de la RAI de Turin, dirigé par Raphaël Kubelik, dans cet extrait de la Total Dance de Liszt, c'était le pianiste Arturo Benedetti Michelangeli qui, lui, pensait qu'il fallait jouer avec une main à 10 doigts. Vous êtes d'accord avec cette expression, Esther Pineda ? Ah, j'aime beaucoup. Oui, j'aime beaucoup cette expression. Là, tout à fait. Et effectivement, ça rejoint un petit peu ce que Brigitte disait par rapport à la dissociation. À l'indépendance des mains. Voilà, à l'indépendance, et que c'est une question mentale, et il faut vraiment penser au-delà de cette dissociation, pouvoir passer outre. Votre livre, Le corps musicien, paru aux éditions de la Tour, est préfacé par un professeur de philosophie, Jean-Baptiste Nanta, qui considère que on dépasse le dualisme cartésien du corps et de l'âme en remettant dans le corps, en réancrant, en réincarnant cette question du jeu au piano. Tout à fait. Moi, ça me paraissait, ce qu'il dit dans le préface, ça me paraissait très, très important de reprendre, en fait, cette dualité qui est quand même très ancrée, je pense, notamment en France, de séparer corps et esprit. Or, comme il le dit très bien dans le préface, c'est une fausse position. Oui, une position et conception. D'ailleurs, ça a été véhiculé comme ça par rapport à Descartes. Or, Descartes ne disait pas tout à fait ça. C'est ce qu'il a repris aussi Damasio dans l'erreur de Descartes, en partant de cette espèce de dichotomie, bien que, après pour dire, c'est pas tout à fait ce qui était défendu par Descartes. Mais moi, comme je me suis formée dans mon pays d'origine, en Catalogne, en Espagne, et que je connais un peu le système éducatif dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, en Angleterre, où j'ai vécu quelques années aussi, j'ai constaté que c'était cette dualité était quand même très très forte, ce côté rationnel était très très fort en France. Et c'est pour ça que j'avais eu l'idée de demander un petit préface de la part d'un philosophe pour faire ressurgir cette question du corps et la place du corps par rapport à l'esprit, notamment dans les arts. Pour sortir de cette distinction un peu trop frenchy, vous mobilisez des méthodes d'un peu partout, mais même au-delà de la musique. Alors on a évoqué Dalcroze rapidement tout à l'heure, mais il y a aussi la technique Alexander qui vient d'un acteur australien qui était spécialisé dans le répertoire shakespearien, qui s'est retrouvé devoir faire face à des problèmes d'aphonie. Oui, Alexandre, il a conçu une approche, ce qu'il appelle l'usage de soi, c'est-à-dire de comment la personne utilise son corps, notamment dans l'alignement de la tête avec le reste de la colonne, et qui pour lui était la clé du problème qu'il a vécu lui-même à un moment donné, de ne plus pouvoir, il a perdu l'usage de la parole, et... cette approche est très utilisée notamment dans le milieu de l'art dramatique, mais aussi en musique. En fait, ce que j'ai voulu faire, c'était éclairer un peu ma réflexion avec les apports de plusieurs approches somatiques, dont Alexander, qui me paraît très très importante, mais évidemment, ce n'est pas la seule. Alexandre Tarot, par exemple, oui. Oui, aussi. Oui, il y a beaucoup de musiciens, je dirais encore plus d'acteurs, et dans pas mal d'établissements supérieurs, à la Guildhall en Angleterre, à Juilliard aussi aux États-Unis, ils ont systématiquement des formations Alexander, ou Feldenkrais aussi, qui est un autre... Feldenkrais, c'est qui ? Feldenkrais était... Moshe Feldenkrais, il a fait une technique qui a trouvé après la validation scientifique avec les études des neurones miroirs de Rizzolatti. L'idée, c'est aussi d'arriver à une prise de conscience corporelle très très très fine de l'utilisation de, du corps. Et par contre, l'approche est très différente d'Alexander dans la mesure où ici, ce sont les formateurs, enfin, ou l'enseignant qui guide l'élève avec de le toucher par rapport aux différentes zones du corps qui sont mobilisées. Mais ils utilisent énormément la visualisation. C'est une des ressources très utilisées aussi dans, dans les sports aujourd'hui, pour trouver le geste juste, etc. Et en disant que ce sont les réseaux de notre cerveau qui sont utilisés pour l'action, qui sont déjà activés, mais en inhibant la partie motrice. C'est-à-dire qu'uniquement par la visualisation, on peut faire un travail mental très, très, très important. Et Brigitte Boutinon-Dumas, tout à l'heure, faisait aussi allusion à ça, que ça réside vraiment dans le mental, dissocié ou pas dissocié. Et, mais c'est un travail corporel, celui de Feldenkrais. Hein. La même chose, notamment pour des soucis qui sont liés à la pratique, soit de l'instrument, par rapport à la voix aussi. Ils vont très très très loin par rapport au travail au niveau du larynx et du positionnement de la tête. Vous citez toutes ces techniques de conscience corporelle, des techniques respiratoires aussi. Vous évoquez même le yoga à la suite de développements qui, eux, sont empruntés essentiellement aux neurosciences. Oui, mon ambition était un petit peu d'établir des ponts et des connexions entre ces domaines qui sont en général complètement dissociés. Notamment, je parle dans le livre aussi de la neuroéducation, qui est depuis le rapport de l'OCDE sur cette discipline émergente qui vient relier en fait les sciences cognitives aux sciences de l'éducation. Et qui comble une lacune, en fait, entre ces deux domaines. Et ça commence vraiment à se développer, mais surtout dans le contexte scolaire. Or, je vois qu'il n'y a pour l'instant très, très, très peu d'irrigation de ce domaine dans les enseignements artistiques. Et c'est un peu mon positionnement. Et de dire que les enseignants ont une grande connaissance empirique de ce qui se passe dans le corps du musicien, dans le mental également, mais que la référence à des recherches fondamentales dans les neurosciences viennent sans doute pouvoir éclairer leur pratique. Ce qui peut être le cas pour la mémoire, avant d'en parler, on va écouter un long extrait du Miserere d'Allegri. Il se trouve qu'en 1770, alors qu'il avait 14 ans, Mozart va à la chapelle Sixtine, entend cette œuvre dont la partition était tenue secrète et à peine revenu chez lui arrive à la transcrire intégralement, parfaitement, ce qui lui a valu d'ailleurs d'être nommé par le pape Clément XIV chevalier de l'éperon d'or. Thank you. Le chœur du King's College de Cambridge interprétant le Miserere de Gregorio Allegri. Esther Pineda, qu'est-ce qui est arrivé à Mozart pour arriver à mémoriser en une seule écoute cette partition à 9 voix ? Bon, sans doute Mozart n'avait... pas le même cerveau que les autres. Peut-être. Il y a des êtres comme ça, hein, qui traversent l'histoire et qui apparaissent comme ça, comme un éclair. En écoutant la pièce, je pensais notamment à l'importance de ce qu'on appelle les zones associatives dans le cerveau, c'est-à-dire, par exemple, le couplage des aires auditives avec les aires visuelles pour Mozart devait être fantastique. Il était quasi synesthète, selon vous ? Oui, c'est fort possible. Après, il y a la connaissance de l'écriture qu'il avait, qui lui permet de synthétiser très très vite et de voir les formes immédiatement. Exactement, dans le déroulement d'une pièce qui est comme ça. Je ne sais pas s'il aurait pu avoir la même performance danse avec, avec une pièce de Xenakis, par exemple. Je veux dire, il y a aussi un déroulement de, sur le plan tonal qui est facilement assimilable. Et attention, je dis ça avec une grande réserve. Évidemment, moi, je ne pourrais pas le faire. Mais parce que aussi, sa cohérence est organique. Il y a une grande cohérence, oui. Effectivement, des phrases qui reviennent et qui sont identiques à la précédente. Mais bon, évidemment, la capacité de mémorisation, c'est un exploit, ce qu'il a fait. Il a bien mérité l'ordre de chevalier de... Tout cela vous amène à un développement sur les différents types de mémoire et sur l'importance de les solliciter toutes. C'est-à-dire que évidemment, on peut parler d'une mémoire auditive, d'une mémoire harmonique qui semble celles qui sont les plus sollicitées par la musique, mais on a besoin de mémoire visuelle, on a besoin de mémoire kinesthésique, mais aussi de mémoire analytique pour faire de la musique. Oui, moi, ça me paraît très, très, très important. On part du principe qu'un texte, hein, une partition, évidemment, parce que sinon, il y a des mémoires ou des systèmes, des sous-systèmes de la mémoire qui ne seraient pas à l'œuvre, par exemple, quand on improvise ou autre, au niveau de la mémoire visuelle par rapport à une partition. Mais dans ce cadre-là, disons, d'un musicien qui va être un interprète à transmettre une pièce, toutes ces composantes forment en fait la mémoire, et pour moi il était important de le souligner dans ce livre, car souvent la mémoire est conçue comme un tout, on a de la, et en plus avec la fatalité d'on a une bonne mémoire ou on ne l'a pas. Or, la mémoire est par essence multimodale, et quand on arrive à déjà le savoir et pouvoir manipuler ces différents paramètres en toute conscience, on peut avoir des stratégies de mémorisation qui sont beaucoup plus robustes. Ça veut dire qu'elle peut s'exercer, la mémoire ? Mais oui, bien sûr, il y a des ressources mnémotechniques utilisées aussi dans d'autres domaines de l'éducation, mais en musique, ça se gère d'une manière particulièrement riche pour le musicien. Et vous citez l'historien de la danse John Martin qui dit « Grâce à une mémoire musculaire qui entre en sympathie, vous associez le mouvement avec sa finalité », c'est-à-dire s'il s'inscrit dans le corps une mémoire de ce qui peut être une forme musicale. Tout à fait. Quand on parle de finalité, là, on va beaucoup plus loin, parce que si on dit finalité, on parle de sens musical. C'est-à-dire quel est le sens du message que le musicien va transmettre, qu'il veut imprégner un discours. Mais tout ça va être ancré dans la mémoire, et notamment la mémoire kinesthésique, qui est très importante pour la mémoire des gestes, qui est très importante pour les musiciens. Thank you. Marc-André Hamelin interprétait ce Klavierumbung de Ferruccio Busini. Esther Pineda, dans votre livre Le corps musicien, paru chez aux éditions de la Tour, on trouve des références à Busoni, qui est un pianiste dont, aux partitions, vous pouvez évaluer qu'il n'était pas que préoccupé par ses seuls doigts. Tout à fait. Moi, j'ai en fait, j'ai une grande admiration par Busoni. Bon, c'était un très grand pianiste. Et ce qui était révélateur de cet aspect qui allait de sa technique qui allait bien au-delà d'une technique digitale, c'est les doigtés qu'il proposait dans ses méthodes. Puisque, par exemple, il y a des doigtés qui paraissent tout à fait inhabituels, où le passage du pouce n'existe pas, en fait. Je sais que ça, c'est un des thèmes qui... Il l'avait écrit seulement à 8 doigts. Oui, beaucoup de pianistes, comme si c'était le grand problème de la technique pianistique. Or, ce n'est pas un problème du tout, c'est de rien une question. Et ça, ça se voit clairement avec les doigtés, où il va passer directement du cinquième doigt, c'est-à-dire du petit doigt de la main, au pouce, sans que le pouce ait à passer avec une quelconque distorsion, on va dire, du mouvement du poignet. Ça montre clairement que c'est l'avant-bras qui guide. Je me rappelle qu'un jour, lors d'un concert d'Alfred Brendel à Pleyel, je le connaissais déjà, et à la sortie, il me dit « Tu sais, j'ai tout compris maintenant. Tout réside dans le coude. » J'ai trouvé ça incroyable. Il l'a dit, il doit y avoir une quinzaine d'années. C'était bon, un pianiste comme ça, mais qui dit vraiment cette espèce de flash, de dire c'est le mouvement de l'axe de l'avant-bras qui va tout gérer au niveau de la main. Et Busoni le démontrait très clairement déjà avec les doigtés qu'il proposait. Il y a une grande pédagogue dont on vient de faire paraître des extraits de ses journaux sous le titre « Je suis un mauvais garçon » aux éditions Arthuriennes, qui s'appelle Marie Jaël, qui a une grande œuvre pédagogique qui précisément remettait tout le corps, toute l'intention même dans le débat de qu'est-ce que produire une note. Marie Jaël a été vraiment un personnage exceptionnel sur beaucoup de plans différents, mais je suis sûre que si on avait vécu à la même époque, on aurait eu des conversations qui auraient duré toute la nuit. C'est-à-dire que, sans être inexperte dans l'œuvre de Jaël du tout, hein, mais je connais son approche, surtout quel était son questionnement, qui s'inscrit, enfin le mien s'inscrit dans cette même ligne de pensée, qui donne une place très importante à la sensorialité et surtout au toucher, c'est-à-dire à la capacité que la prise de conscience sur le toucher peut avoir dans la technique instrumentale, que tout n'est pas audition et que de toute manière l'audition sans un raffinement du toucher ne mènerait pas très loin. C'est l'association des sens, en fait. Merci beaucoup, Esther Pineda. Je rappelle que pour ceux qui ont raté le début de l'émission, vous pouvez la réécouter dans son intégralité sur metaclassique.com. À très bientôt.